sont partis sur leur voilier, fendant les vagues vers la haute mer, plein d'énergie et décidés pour tour du monde en solitaire, partis à l'assaut de l'inconnu, vers des mers trop tempétueuses, nuit sans sommeil du jamais vu, pendant des semaines fort hasardeuses. La peur, la fatigue et le froid, comme compagnons entre au ciel, la solitude et les effrois, dans l'immensité sans appel. Vive les aventuriers, des temps modernes, les beaux aventuriers, qui oublient la terre ferme. Derniers aventuriers, jusqu'au bout de leurs rêves, hardis aventuriers, bien loin de la grève. Ils jouent leur vie à pile ou face, grisés de vitesse et d'embrun, mais ils aiment ça, ça passe ou casse, pas de doute comme le commun. Joyeux triomphant des épreuves, ils s'en reviennent rayonnants, cheveux en bataille, sourire aux lèvres, tellement émus comme des enfants. Ils songent déjà à repartir pour de nouvelles aventures qui leur permettront d'accomplir un nouveau pont dans le futur. Vive les aventuriers des temps modernes, les beaux aventuriers qui oublient la terre ferme. Derniers aventuriers, jusqu'au bout de leurs rêves, hardis aventuriers, bien loin de la grève.